Alors, on en a un caporal chef. Un type qui avait 54, 55 ans, peut-être 56, il était caporal chef de carrière. Il avait un tic, d'ailleurs, il faisait tout le temps ça. D'avant en arrière, vous savez. Parce que toute sa vie, il avait voulu avoir de l'avancement. Et jamais il a pu en avoir. Ça fait 15 jours que vous êtes au service militaire. On était les 500 troufions dans la cour de la caserne, au garde à vous. Je vous posais une question tirée de votre opuscule, intitulée « Ah, ce que je suis content d'être soldat !» Je vous posais une question au hasard. N'importe laquelle, je feuillette. J'en cherche une question qui a une réponse. Voilà. Qui est intelligent. Combien de temps met le fût du canon pour se refroidir lorsque l'obus est sorti du fût? Vous allez me répondre. Non, pas vous. Vous. Non, vous. Mais j'ai pas dit oui, pourquoi vous. Non, pas vous derrière, l'autre qui est derrière. Vous. Non, pas vous, l'autre vous. J'ai jamais dit que c'était vous. Non, vous, pas vous. Bon. Ça dépend. S'il y a du vent. Si, je vous demande pas ça, moi, imbécile. La question est posée en lettres gothiques. Je veux ouïr en français ce qui a décrit en italique. Je veux pas dire gna gna gna. Combien de temps ça peut mettre un fût pour se refroidir? 50 minutes. Non. Bon, alors là, je m'y attendais. Ah, je sais pas pourquoi, j'ai dit le deuxième, ça va être ma pomme. Je le suis bodoré, dis donc. On est 500, le deuxième, c'est moi. Non. C'est pas bon, ça. Sur 500, le deuxième, dans le civil, j'ai pas touché une fois le tiers, c'est moi. Même pas dans le désordre. Je me pointe ici, je prends pas de ticket, j'arrive placé. Faut plus de 50 minutes, hein. Oh, oui. Faut plus de 50 minutes. Faut bien compter un bon quart d'heure. Non. Faut. 3 jours. Vous me l'effrayez, les 3 jours. Faut. Un peu de calme, monsieur Cléon. Je suis pas du continent, moi. Je suis corse. Je suis de Ghisoni, un petit village. T'as pas vu comme il me parle à moi, lui? Il me parle à moi comme à n'importe qui. Prétentieux, va. Alors lui, il a dit 3 jours, il a eu 3 jours de prison. Faut bien compter une grosse seconde. Non. Vous. Moi, peut-être que je me trompe, mais je pense, sincèrement, du fond du cœur, faut bien compter 3 secondes. Non, vous, je m'en fous. Vous en foutez? Un point, mon pote, tu peux pas savoir. Le fût du canon, pour se refroidir, il peut mettre le temps qu'il veut, je m'en tape le coquillard, mais alors... Ça me donne même une idée de l'infini. Vous, vous en foutez? Que 3 fois que je te le dis. On va pas passer la soirée avec ça, non? Je m'en fous tellement que je m'en fous. Je suis caporal chef de carrière. J'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Il y a 29 ans comme quoi je suis le caporal-chef. L'année prochaine, je serai à la retraite. Si jamais... Qui c'est qui a dit tant mieux? J'ai fait la guerre d'Algérie, j'ai fait la guerre d'Indochine, j'ai fait la guerre de Djibouti, j'ai fait la guerre de Madagascar, j'ai fait la guerre du Maroc, j'ai fait la guerre de Tunisie, j'ai fait la guerre partout où les Français ont laissé une bonne impression. Si jamais vous me répondez encore une fois, je m'en fous, je vais vous punir comme jamais j'ai puni un soldat. Même pire que le falot, pire que la fusillade. Calme-toi. Puisque je te dis, je m'en fous. Je vais faire une lettre à vos parents. Faudra qu'ils me la renvoient signée. Vous. Alors, je savais même pas qui chauffait. Je suis là depuis hier, je suis au courant de rien. Ça chauffe, hein, si? Et oui, ça chauffe. Cucu la praline. Je vais vous prouver qu'un fût chauffe d'une façon indéniable. Une preuve irréfutable. Vous avez votre fût. Vous avez votre... Vous m'écoutez? Bon. Vous avez votre obus qui est dans votre fût. Lorsque votre obus sort de votre fût, il est obligé de chauffer, puisqu'il y a un chef qui demande combien de temps ça met pour se refroidir. C'est que ça chauffe. Bon, alors quand même, vous déteniez, me questionnez maintenant. Alors au début, j'étais content, j'ai dit, tiens, voilà une question que je connais. C'était la seule question que je connaissais dans tout le beau bouquin, parce que moi, les canons, je connais. J'avais 4 ans, je collectionnais les petits canons, les gros canons. Seulement, au lieu de me questionner, moi, j'ai questionné pour Jacques et Jean. Alors, l'armée, c'est Pipi Piston et compagnie. Pourquoi il ne m'a pas questionné, moi? Au début, j'étais content, j'ai dit, tiens, les questions que je connais. Seulement, au lieu de me questionner, moi, vous avez questionné à travers. Le canon, je connais, j'avais 4 ans, j'ai des coquettes, j'avais des culasses comme la grosse bébé Bertha avait les plus belles culasses que comme les jeunes. J'avais des caca, 8 jours de permission si vous la mettez en veilleux. Je vais vous la donner la réponse, bande d'andouilles. Le fût, pour se refroidir, il n'est pas 15 ans, ni 3 minutes, ni 4 secondes, il met un certain temps.